Ceci est une lecture de Léa pour audiocité.net. Vie et miracle de la bienheureuse Germaine Cousin, vierge chrétienne et bergère de Pibrac, écrite par le père Joseph Boer de la Compagnie de Jésus et traduite en français par l'abbé M.V.M. Préface. Cette histoire de la vie et des miracles de la bienheureuse Germaine ne se recommande pas à la curiosité des lecteurs par une grande variété de détails. La vie de l'humble bergère de Pibrac a été des plus uniformes et s'est écoulée dans l'obscurité. Écrit en italien, et dans la ville même de Rome où était pendant auprès du Saint-Siège le procès de la béatification 1854, l'opuscule dont nous offrons la traduction au public français a du moins le mérite d'avoir été calqué sur les pièces mêmes de cette procédure et de participer, pour ainsi dire, à leur caractère sacré. Aussi, non seulement je me suis bien gardée d'y rien ajouter, mais j'ai fait consister tout mon mérite et j'ai mis toute mon application à traduire, avec une exactitude scrupuleuse, le texte italien du père Joseph Boer, qui m'a été remis par l'autorité ecclésiastique pendant la solennité même de la béatification, 7 mai 1854. Daigne le Seigneur bénir notre très saint père, le pape Pie IX, dont il se sert pour rendre à sa servante de tels honneurs en l'espace de peu d'années. Et puisque c'est la dévotion conçue pour elle, à l'époque de sa béatification dans la ville éternelle, qui m'a porté à répandre par une traduction la connaissance de sa vie et de ses miracles en France, ma patrie, qu'elle daigne en son grand jour sur la terre qui approche, en attendant le beau jour de l'éternité, exaucer plus spécialement les vœux que je forme aujourd'hui. Mai 1867.